和。 你笨，大狗啃瓜，大狗啃不个瓜，喂，谁踢飞你几腿？你笨，大狗啃瓜，大狗啃瓜，努力的练习，就当玩儿，就当玩儿。OK, c'est pas compliqué, on va l'expliquer, qu'on va tout niquer. OK, qui pute, ouais, t'as compris ou quoi, t'as compris pourquoi. Ouais, quand on arrive, on part à la dérive. Trop tôt que ça brille, c'est tripédif, c'est toi, le champ de ta famille. Ouais, je m'en suis fini, ouais, sur coup ou quoi. Mais du coup le quoi, sous la houle, on déboule carrière, la foule qui déboule, ouais ma caille, on passe sur Sky, t'as compris ou quoi, t'as compris ou quoi, petite pute, on déboule, ouais, t'as compris ou quoi, t'as compris ou quoi, ouais. Dans le sentier, on est parti pour un nouveau prix, ta petite pute, t'as compris ou quoi, t'as compris ou quoi, on arrive et on déboule. Et on passe sur un putain de passage, un putain de morceau. On n'est pas des narcos, on est des gros macros. T'inquiète, petite pute, t'as compris ou quoi? T'as compris ou quoi? Petite pute, t'as compris ou quoi? T'as compris ou quoi? Nous on t'aime pas, nous on dérange et on a la haine. On compte qui sont les comptes, on a arrêté. Nous gossard, la bata, bata. Petite pute, t'as compris ou quoi? T'as compris ou quoi? Petite pute. T'as compris ou quoi? T'as compris ou quoi? Ok, c'est pas compliqué, c'est expliqué, tu ne dois plus baser. T'as rien compris, bébé, quand on arrive dans la scène avec la haine. T'as rien compris, c'est pute. T'as compris ou quoi? T'as compris le truc, quand on arrive, c'est pas ce qu'on veut chanter. Pour tout péter, petite pute. T'as compris ou quoi? T'as compris ou quoi, petite pute? Ok. Ok. Je serai pas gérard, je vais heureux. Je sais d'où je passe cette. Je lance ma requête au premier venu. Un petit but, t'as compris, mais tu suis encore heureux. T'as rien compris. Un petit but, ok. On va tout expliquer. Même si c'est compliqué, on va tout niquer. Ok. Ok, yo go go go, l'autre qui rigole pas comme la folle qui déconne pas, ok.